Vous écoutez France Culture. Un long dimanche de fiançailles. De Sébastien Japrisot. Adaptation Catel Guillou. Huitième épisode. La meurtrière de la belle de mai. Germain Pire a fini par mettre la main sur Célestin Pou, la terreur des armées. Aussitôt envoyé à Cap-Breton, celui-ci a raconté à Mathilde comment les cinq soldats condamnés en 1916 étaient morts à Bingo Crépuscule. Manège lui-même aurait été tué par un avion allemand qui survolait le bled pendant qu'il construisait un bonhomme de neige. Célestin Pou est convaincu qu'aucun des hommes n'a pu réchapper du carnage. Mathilde, qui s'entête à y croire malgré tout, a demandé qu'il la conduise sur les lieux. C'est donc là que ça s'est passé. C'est exactement là que se trouvait Bingo, mademoiselle. Face à la tranchée, la gaine des Boches. Les deux arbres, là, je les ai laissés pour garder quelque chose à voir aux visiteurs de la guerre. Et le pont là-bas, c'est moi qui l'ai reconstruit avec mon gendre. Figurez-vous que les Fritz, ils avaient détourné le ruisseau à leur profit, derrière les buttes. Ça, j'en ai vu des misères. Il y avait des briques par ici, comme les restes d'un mur. Qu'est-ce que c'était? Ça, je peux pas vous dire. Moi, j'ai acheté les terres en 21. Les tranchées étaient déjà comblées. D'ailleurs, en retournant la terre, mon prédécesseur, il a trouvé la grenade. Il lui a emporté le bras droit. Regardez bien où vous mettez les pieds, hein. J'ai envie d'avoir un cadavre sur les bras, moi, hein. Ne vous en faites pas, monsieur Dondu. Avec la terreur des armées, on ne risque rien. Célestin, attendez-moi! C'est qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on apprenne que quelqu'un a explosé. On n'a pas fini de tuer cette guerre. Jamais mon coup de belles années de Voël, c'est moi qui vous le dis. Où peut-on trouver l'ancien propriétaire? Il s'est installé Cabartier, près de Montauban de Picardie, sur la route de Fricourt. Demandez le manchot, au cabaret rouge. Son nom, c'est Hyacinthe Després. Mais si vous dites le manchot, c'est mieux. Hyacinthe Després. Très bien, je m'en souviendrai, merci. Bon, c'est pas tout ça. Moi, j'ai du travail qui m'attend. Bonne journée, mademoiselle. Bonne journée, monsieur Dondu. Et merci. Sylvain? Célestin? Oh, oh! Qu'est-ce qu'ils sont allés faire sur cette colline? Mathilde! Allez, Bleuet! On est avec toi! Et Bleuet! Voilà un canotier pour ton bonhomme! Je n'ai jamais vu Bingo Crépuscule en plein jour. Vers les 10 ou 11 heures, je l'ai vu commencer à construire un bonhomme de neige, debout au milieu du bled, avec la seule main qui lui restait. C'est la troisième ligne des Boches, là-haut. Celle qui nous a fait perdre tant de bonhommes. C'est beaucoup moins loin que ce que j'imaginais. Ça doit faire 500 ou 600 mètres d'ici, pas plus. Mais alors, même dans la neige, même sous les obus, Benjamin Gord est forcément revenu voir s'il pouvait encore sauver son ami l'Esquimau. Vous croyez? Mais oui. Si Mathilde le dit... Hein. Alors c'est toi, Rabdorab, la terreur des armées. Celui qui rapportait à manger le gigot des officiers à son escouade. Ah, ça, si j'avais su. C'est que j'ai entendu parler de toi, tu sais. Même qu'on en parle encore. Comme je suis fier de t'avoir chez moi. Merci. Ouais, je te serrerais bien dans mes bras, mais il m'en manque un. Allez, viens là que je t'embrasse. On peut déjeuner, monsieur? Oh, ça, comment vous pouvez déjeuner? Allez, installez-vous, je m'en vais vous préparer un festin de roi. Merci. J'étais pas encore rentré au pays quand on a trouvé leur corps. Je m'étais réfugié avec ma femme chez son frère cadet, à Compiègne. Qui les a trouvés? D'après ce que je sais, c'est la drôlesse de mes voisins, les Rouquiers. Elle a découvert la tombe alors qu'elle vadrouillait au milieu des tranchées. Les démineurs n'avaient même pas encore déblayé le plus gros du terrain. Il y avait là de quoi faire exploser tout un village. C'est miracle si elle n'est pas morte ce jour-là, la gamine. Et elle s'appelle comment, cette miraculée? Jeannette, si je me souviens bien. Bon, elle doit aller sur ses 17-18 ans aujourd'hui. Et le mur de briques effondré devant Bingo, c'était quoi? Oh ça! C'est les restes d'une chapelle abandonnée depuis des lustres. Il y avait une petite cave en dessous, je m'en servais comme débarras pour mes outils. Quand êtes-vous rentré chez vous? J'ai retrouvé mes champs et les ruines de la ferme en avril 17. Le pays était envahi de Britanniques de partout. Il y avait même des Indiens des Indes avec leurs turbans, des Australiens, des Néo-Zélandais. J'ai jamais entendu parler anglais de ma vie comme en 17 et 18. C'était fatigant, la longue. Mais ce sont les plus vaillants soldats qu'on puisse voir. Si l'on accepte mon camarade Célestin Pou et le général Fayol. C'est vrai. Si quelqu'un était prêt de percer, c'est bien Émile Fayol, sur la Somme, pendant l'été et l'automne 1916. C'est mon général préféré, et de loin. Un prince. Tandis que Mangin, c'était un sauvage. Et Pétain? Pétain, c'est le vainqueur de Verdun, mais il était dur. Un but de sa personne. Et sûrement hypocrite. Foch était dur aussi. Joffre vieillissait. Et Nivelle s'est perdu pour toujours au chemin des dames. Oui, enfin tous, tant qu'ils sont, ils ont fait massacrer trop de gens. Vous savez où je peux trouver une certaine Jeannette? Jeannette? Mais elle n'est plus là, Jeannette, ma pauvre dame. V'là 2 mois qu'elle est partie en Normandie avec un vagabond qui l'avait engrossée. Vous vous souvenez du jour où elle a trouvé la tombe des soldats français dans le champ de Monsieur Hyacinthe Després? Ça, si je m'en souviens. Elle avait 10 ans, mais elle était plus dégourdie que son frère. Elle a déniché une boîte de palmales. Vous savez, ces petites boîtes rouges en métal où on range des cigarettes. Ah oui. Bon. Dedans, il n'y avait pas de cigarette, mais un bout de papier plié en deux qui disait qu'on avait enterré là 5 Français. Ce papier, vous l'avez vu? Même pas. Jeannette est aussitôt allée le donner à des soldats qui traînaient par là. Quand elle est revenue à la ferme, je peux vous dire qu'elle a pris la raclée de sa vie. Quelle idée de s'en aller courir comme un poilu au milieu de toutes ces saletés qui explosent. Non, mais franchement! Que s'est-il passé ensuite? Ça, je peux vous le dire. Parce qu'à partir de là, j'ai tout vu. Je suis allée voir les soldats qui ouvraient la tombe dans le champ d'Hyacinthe. Il y avait 5 cercueils de bois blanc qui attendaient à côté qu'on y mette les cadavres. Évidemment, ils étaient pas beaux à voir. J'imagine, oui. Ils étaient tous les 5 sous une grande bâche brune. Je pouvais pas m'approcher de trop parce que d'autres gens du voisinage étaient là aussi et les soldats commençaient à pester. Mais j'ai tout entendu. Celui qui commandait les soldats... Je sais pas si c'était un caporal ou un sergent. J'ai jamais rien compris au grade. Il lisait tout haut ce qu'il y avait écrit sur les plaques militaires des morts, avant qu'on les mette dans leur linceul. Je me souviens qu'un des malheureux s'appelait Notre-Dame, et un autre Bouquet, comme un bouquet de roses. Et un autre encore avait un nom italien. Le plus jeune devait avoir 20 ans, tout juste. Ce soir-là, vendredi 8 août 1924, à l'auberge des remparts de Péronne, où nous faisions halte pour la nuit, 2 événements se produisirent en moins d'une heure, si bouleversants pour Mathilde qu'elle aura toujours de la peine dans son souvenir à les dissocier. Ils seront comme les éclairs simultanés d'un même orage. Voilà ce qui a dû se passer. À la fin de ce dimanche terrible, dans le noir, Benjamin Gordes et le jeune La Rochelle ramènent des prisonniers allemands dans leur ligne. Le caporal veut revoir son ami l'Esquimau. Il dit à La Rochelle de l'accompagner jusqu'à Bingo. Cela fait à peine 1 demi-kilomètre de détour dans les boyaux. Et s'il est encore vivant, il le sauve. Excusez-moi. Oui. Ce... Je m'appelle Heidi Weiss. Je voyage avec mon mari qui est assis à l'autre bout de la salle là-bas. Le maître d'hôtel m'a dit que vous aviez perdu votre fiancé à Bing, au crépuscule. Mon frère Gunther est mort là, lui aussi, en janvier 1917. Il avait 23 ans. Je suis allée prier sur sa tombe aujourd'hui. Asseyez-vous, je vous en prie. Sylvain, tu veux bien approcher une chaise pour madame ? Oui, tout de suite. Merci. Pardon, messieurs. Vous avez fait la guerre ? Oui. Alors, excusez-moi, mais je ne peux pas vous serrer la main. Mon frère est mort, vous comprenez ? Et mon mari, s'il me voyait, il m'en voudrait pendant des semaines. Bien sûr, nous comprenons. Vous avez combattu par ici, vous-même ? Moi, oh non, j'étais aux approvisionnements de la marine, à Bordeaux. Ah, alors vous ne vous êtes pas vraiment battu contre des Allemands ? Les seuls que j'ai vus en face, c'étaient des prisonniers de guerre. Schön. Et vous, monsieur ? Vous étiez ici, en janvier 1917. Oui, j'y étais. Et j'ai fait mon devoir de soldat. Mais de toute la guerre, pour autant que je sache, je n'ai tué que deux combattants ennemis. L'un à Douaumont, devant Verdun, en 1916, et l'autre dans la débâcle du printemps 18. Parlez-nous sans crainte, madame. Nous vous écoutons. Eh bien, d'après le Feldwebel qui commandait à mon frère, Günther a été tué par les Français le premier dimanche de 1917, à la fin du jour. Ils avaient un fusil mitrailleur dans une tranchée de deuxième position. C'est vrai. Deux sont morts et les autres se sont rendus. Ce sont des grenadiers qui ont tué votre frère pour faire taire le fusil mitrailleur. Mais personne ne peut plus en vouloir à personne dans cette saloperie. Saloperie, yeah. Vous avez parlé vous-même à ce Feldwebel ? Il s'appelle Heinz Gerstacker. C'est lui qui est venu nous voir, mes parents et moi, en 1919, pour nous dire comment Günther était mort. Est-ce qu'il vous a dit autre chose ? Eh bien, il a dit aussi que les Français avaient jeté 5 de leurs soldats dans la neige, blessés et sans armes. Il a dit plusieurs choses bizarres sur cette nuit-là. Mais il y a un détail surtout qui m'a frappé. Quand il a été ramené prisonnier dans les lignes françaises, Heinz Gerstacker a vu un des 5 soldats morts qui était resté à genoux dans la boue, comme en prière. Et votre Feldwebel, nous l'avons ramené dans nos lignes à quel moment ? C'était le dimanche dans la nuit ou le lundi matin ? Il a toujours parlé du dimanche et de la nuit. Il ne vous a pas parlé du plus jeune des 5 ? Celui qui a construit un bonhomme de neige d'une seule main. C'était lui votre fiancé ? Oui. C'était un de nos avions qui l'a tué. Et personne ne voulait cela. Heinz Gerstacker pourrait vous le jurer. Vous devez savoir que votre fiancé n'avait plus toute sa raison. C'est à cause d'un autre. Celui qui a jeté une grenade sur l'avion et l'a abattu. Alors les ordres sont arrivés d'évacuer les tranchées pour laisser faire l'artillerie. Excusez-moi, est-ce que Sylvain Larieux serait parmi vous ? C'est moi, pourquoi ? On vous demande au téléphone. Au téléphone ? Un certain monsieur Pire, Germain Pire. Excusez-moi. C'est par ici, suivez-moi. Oh, mais je parle, mon mari va m'en vouloir si je reste trop longtemps avec vous. Au revoir, mademoiselle, et bon courage. Merci, vous de même. Au revoir. Monsieur ? Au revoir, madame. C'est quand même une connerie morveuse, cette guerre. Un jour, si ça se trouve, on sera revenu au même point qu'avant. Bien obligé d'être copain avec tout le monde. Eh bien, Sylvain, qu'est-ce que Monsieur Pire avait de si important à dire ? C'est Tina Lombardi. Ça y est ? Il l'a retrouvée ? Oui. Enfin, non. Elle a été guillotinée ce matin. Écoutez bien. La tueuse d'officier, celle que la police a recherchée pendant des mois, était une Marseillaise de 33 ans nommée Valentina Emilia Maria Lombardi. Condamnée à mort pour l'assassinat de François Lavrouille, colonel d'infanterie, héros de la Grande Guerre, à Beaunieu dans le Vaucluse. Elle était également soupçonnée de 4 autres meurtres d'officiers, dont elle n'a jamais accepté de rien dire. Elle a été exécutée hier à 6h30 dans une cour de la prison de Haguenau en Alsace. Elle est morte en refusant les sacrements de l'église, mais gardant jusqu'au couperet une remarquable dignité. Alors là, j'arrive pas à le croire. La trouille, zigouillée par une femme. Tu pensais vraiment que tuer était le privilège des hommes ? Papa, maman, on est rentrés ? Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour Sylvain. Oh ma petite Mathilde, comme je suis contente de te voir. Tout va bien ? Oui. Vous avez fait bon voyage ? Très bon, merci maman. Rouvière est ici, il t'attend dans le salon. Pardon ? Il a peut-être des nouvelles ? En tout cas, il a quelque chose pour toi. Bonjour Mathilde. Bonjour parrain. L'avocat de Tina Lombardi est venu me voir hier soir. C'est un vieil ami. Nous avons prêté serment ensemble. Il m'a chargé de te remettre cette lettre en main propre. Mademoiselle Donnet, je n'ai jamais su écrire comme vous, alors peut-être que vous n'allez pas me comprendre. Mademoiselle Donnet. Surtout que je le fais en attendant qu'on... J'ai jamais su écrire comme vous. Alors peut-être que vous n'allez pas me comprendre. Surtout que je le fais en attendant qu'on vienne me chercher pour me couper les cheveux avant de me couper la tête. J'ai pas peur. J'ai jamais eu peur pour moi. Mais quand même, ça aide pas à trouver ces mots. J'ai rien à vous dire sur ce qu'ils appellent mes crimes. S'il y avait eu du monde à mon procès, j'aurais crié la vérité sur ce Lavrouille et la grâce de Poincaré qu'il a gardée secrète plus de 20 heures. Mais ça, ils voulaient pas que j'en parle, évidemment. Ils ont assassiné mon Nino. Tous. Oui. Ces gueules de rats qu'on voulait me faire dire que je les ai tués, elles méritaient pire que la mort. Le Touvenel, qui a tiré le sale coup de fusil dans la tranchée, le commissaire Cafard du procès de Dandrechin et les deux officiers juges qui avaient survécu à la guerre, tous, ils n'ont eu que la monnaie de leur pièce. À vous, je veux plus parler de ces larves. J'ai mieux à vous raconter. Si je l'ai pas fait avant, c'est que vous cherchiez comme moi la vérité sur cette tranchée de malheur et que je sentais que vous pouviez vous mettre en travers de mon chemin. Maintenant que j'attends mon heure, ça n'a plus d'importance. Quand vous lirez cette lettre, je serai morte et bien contente que tout ça soit fini. Et puis au fond, on se ressemble. Vous aussi, vous êtes fidèle à votre amour. Parce que j'avais beau vendre mon cul, j'ai jamais aimé un autre que mon Nino. On n'a pas suivi tout à fait le même fil, vous et moi. Mais nos routes ont dû se croiser plusieurs fois. Je vous passe les détails de tous mes va-et-vient. Grâce à un client qui était tampon d'état-major, j'ai fini par dénicher ce qui restait de la compagnie de Bingo, dans l'Aisne. C'est là que j'ai rencontré celui qui a mis fin à mes illusions. Il s'appelait Favard. C'était un sergent-chef. Il m'a tout raconté. Vous devez en savoir déjà pas mal, mais il y a deux choses que je veux vous dire, parce qu'elles concernent peut-être votre fiancé. D'abord, c'est pas l'Esquimau, mais un caporal, Benjamin Gordes, qui était le lundi 8 janvier au poste médical de Combles. Ensuite, il y a une histoire de gants de laine rouge qu'un soldat avait donné à votre fiancé. Deux ou trois jours après l'affaire, Favard a interrogé le brancardier qui avait croisé le caporal Gordes blessé avec un autre soldat de la compagnie, nommé Jean Desrochelles. En parlant, ce brancardier s'est souvenu d'un détail. C'est que le soldat que soutenait Gordes portait un gant rouge à la main gauche. Favard était tellement intrigué qu'il a interrogé un autre caporal, Urbain Chardolot, qui était passé sur le terrain devant Bingo le lundi matin. Il lui a répondu qu'il n'avait pas remarqué si le bleuet, comme on disait de votre fiancé, avait encore le gant ou non, qu'on y voyait mal parce qu'il avait recommencé à neiger ou que peut-être Gordes ou Desrochelles, en passant, avait pris le gant pour le rendre à son propriétaire. En tout cas, c'était pas clair. Il a bien fallu que Favard le croie, mais à moi, il m'a dit « Si Chardolot m'avait caché quelque chose, mademoiselle, il pouvait plus se dédire. Et de toute manière, rien que pour emmerder le commandant, si un de ces pauvres bougres avait réussi à s'échapper, j'en étais bien content. » Je voulais pas partir en gardant ça pour moi. D'abord parce que vos recherches me gêneront plus maintenant. Et puis parce que s'il y a un autre monde et que je retrouve ma marraine, elle serait pas contente. Aujourd'hui, on est le 3 août. Je vais mettre cette lettre dans une enveloppe, mais mon avocat vous la donnera que le lendemain de ce qui m'attend. Des fois que vous seriez tenté comme lui de supplier le président Doumergue pour la grâce. Leur grâce, j'en veux pas. Je veux tout partager jusqu'à la fin avec mon Nino. Ils l'ont condamné à mort. Ils m'ont condamné aussi. Ils l'ont exécuté. Qu'ils m'exécutent. Au moins, rien nous aura séparés depuis qu'on était gosses et qu'on s'est embrassés pour la première fois sous un platane de l'appel de mai. Adieu. Et me plaignez pas. Tina Lombardi. Célestin, le gant que tu avais donné à Manèche, il était de quelle couleur ? Rouge, avec des bandes blanches au poignet. C'est une copine d'enfance à Oléron qui me l'avait tricoté. Et ce soldat que tu appelles La Rochelle, en fait Jean des Rochelles, tu le connaissais bien ? Comme ça. Tu m'as dit qu'il venait des Charentes, comme toi. Mais d'où exactement ? De Sainte. C'est pas très loin d'Oléron. Sa mère avait une librairie là-bas. Et après Bingo, il est revenu au régiment ? Non. Tu n'as plus jamais entendu parler de lui. Non, mais ça veut rien dire. S'il pouvait encore servir, on a dû le verser dans l'intendance ou l'artillerie. À moins qu'il ait eu la fine blessure et qu'on l'a renvoyé dans ses foyers. Tu peux me parler de lui ? On l'appelait Jeannot. Il n'était pas plus heureux que personne d'être dans la tranchée, mais il faisait son travail. Il lisait beaucoup. Il écrivait aussi. Tout le monde écrivait là-bas d'ailleurs. Sauf moi. S'il y a bien une chose qui me fatigue, c'est ça. Une fois, je lui ai demandé de me dicter une lettre pour une copine. Bah, celle qui m'avait tricoté les gants, justement. C'était tellement beau que j'en suis tombé amoureux d'elle. Jusqu'à ce que je la revoie. Et à part ça ? Bah, à part ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y avait tant de bonhommes partout dans cette guerre. Tu ne te souviens de rien d'autre ? Si. Une autre fois, au cantonnement, il m'a parlé de sa mère. C'est à elle qu'il écrivait. Il n'avait plus de père depuis tout gosse. Il n'avait pas de copine non plus, pas d'autres copains que nous. Il est avec sa mère, un fils à maman, quoi. Il m'a montré une photo d'elle. Moi, j'ai vu une vieille femme pas très jolie, habillée triste. Mais lui, il était fier et tout attendri. Il disait que c'était la plus belle du monde et qu'elle lui manquait. J'ai dit que j'avais affaire et je me suis tiré. Parce que je me connais, hein, je pleure aussi des fois. Allô ? Mademoiselle, bonjour. Je voudrais envoyer un télégramme à Monsieur Germain Pire, 52 rue de Lille, Paris. Je vous écoute. Dictez le télégramme. Monsieur Pire, nouvelle mission pour vous. Recherchez d'urgence Jean Desrochelles, 28 ans, fils de Madame Desrochelles, libraire à Sainte. Vos frais en plus, évidemment. Espère de tout cœur que vous ferez chou blanc. C'était... Un long dimanche de fiançailles. De Sébastien Japrizo. Adaptation, Catel Guillou. 8e épisode, avec... Rebecca Stella. Mathilde. Dominique Parent. Sylvain. Hervé Furic. Pierre-Marie Rouvière. Thomas Sagols. Célestin Pou. François Sienner. Daniel Esperanza. Johanna Nizar. Tina Lombardi. Clément Laguarde. Manèche. Vincent Schmitt. Le père de Mathilde. Aurélie Billedou. La mère de Mathilde. Dominique Massa. Alphonse Dondu. Alexandre Aubry. Le Manchot. Marie Daude, Madame Rouquier, Erad von Meyer, Heidi Weiss, Donatien Guillot, le serveur, Thierry Pietra, le sergent-chef Favard, Claire Bauger, la téléphoniste, et bien d'autres. Bruitage. Bertrand Amiel. Équipe de réalisation. Sébastien Labarre, Manu Couturier, Vivien Demeyer, Jean-Mathieu Zande. Un long dimanche de fiançailles est paru aux éditions de Noël. À demain.